8. Conte d'automne. Rien n'est plus beau qu'un bel automne, saison justement préférée des peintres et des poètes qui l'aiment, les uns à cause des teintes pourprées dont octobre décore le front des bois, les autres à cause du sentiment de délicate mélancolie qu'évoque ce dernier sourire de l'année. Mélancolie d'ailleurs sans tristesse et nuancée de vive espérance. Car, à l'idée de la froide mort hivernale, se mêle, consolante, celle d'une prochaine résurrection, comme si derrière décembre, qui s'avance sous les branches chargées de frimas, parmi les herbes flétries, déjà l'on devinait à l'horizon lointain, avril inquiet et couronné de fleurs nouvelles. Mais ceci dépend un peu de la disposition et de l'heure. D'autres fois, ce dur vent qui souffle, ces feuilles desséchées qui tombent, innombrables et vaines comme nos jours, disent au cœur sévèrement la fragilité de toute chose. On voudrait écrire quelques contes couleur de rose, et soudain, un chien qui hurle, une cloche qui tinte, le bruit des rafales courant sur la plaine, vous ramènent aux pensées tristes et vous rappellent qu'avant une semaine, ce sera la fête des morts. La fête des morts. Voulez-vous, à ce propos, écouter une de ces incroyables, mais pourtant véridiques histoires qui, en dépit de la science et de ses obstinées négations, sembleraient prouver que notre monde est par-delà le monde visible et font éprouver aux plus sceptiques l'émotion du mystérieux? D'ailleurs, n'attendez pas de moi une opinion. Je n'explique pas, je raconte. La petite ville de Puybrun possédait, il y a quelques années, une vieille église classée comme monument historique et un sonneur, Jean-Joseph Mout, exerçant par surcroît les fonctions de sacristain. L'église, jadis cathédrale, mais découronnée depuis la Révolution de son chapitre et de son évêque, noire et vide, sans boiserie et sans tableau, et pour ainsi dire toute nue, paraissait immense, avec ses trois nefs dessinées par deux rangées de lourds piliers romans, son dôme, où le rayon d'un œil de bœuf mettait à peine un peu de jour, et ses chapelles latérales surbaissées et toujours obscures. Le sol, tout alentour, s'étant élevé au cours des siècles, on descendait par un perron intérieur de 20 marches dans cette église à moitié souterraine, et les gens, même braves, n'y pénétraient pas sans un frisson. Le sonneur était un ancien soldat, nullement superstitieux et médiocrement dévot, comme il arrive souvent à ceux qui, sans être prêtres, vivent de trop près dans la familiarité des choses de la religion. La vieille église, toujours froide, toujours assiégée par le vent, existe encore et semble vouloir durer ainsi jusqu'à l'heure du jugement, tant elle fut solidement bâtie. Mais le sonneur n'existe plus, étant mort l'an passé, à la suite des circonstances que voici. Pour les sonneries ordinaires, Jean-Joseph Mout n'avait qu'à tirer de plein pied la longue corde qui, passant par un trou dans la voûte d'un des bas-côtés, vient traîner jusque sur les dalles. Mais pour les glas de première classe, où tinte la grosse cloche, Jean-Joseph Mout devait monter dans le clocher. Or, il faut savoir que, le matin du jour des morts, à 5 heures, c'est-à-dire tandis qu'il fait encore nuit, la coutume est de sonner le glas de première classe. Jean-Joseph Mout, quoique ancien soldat, n'aimait pas beaucoup traverser ainsi l'église à 5 heures du matin, tout seul avec sa lanterne. Il le faisait pourtant, quoique ce lui fût une corvée, entrant par la porte de la sacristie dont il avait une clé, coupant de biais la grande nef et gagnant l'étroit escalier du clocher qui s'ouvre dans le mur, à côté de la chapelle des fonts baptismaux. Depuis longtemps, mais seulement le matin du jour des morts, quand il passait devant la chapelle des fonts baptismaux, Jean-Joseph Mout croyait entendre, au fond de cette chapelle, un léger bruit de papier remué, comme si quelqu'un tournait dans l'ombre les pages d'un livre. Jean-Joseph Mout disait « Ce sont les rats ». Il disait encore « C'est le vent qui souffle par l'angle d'un vitrail cassé ». Mais jamais il n'y regardait, préférant rester dans le doute, ayant peur, sans savoir pourquoi, de ce qu'il pourrait découvrir. Une année pourtant, la curiosité l'emporta. Sa femme était malade et cela le préoccupait. Comme les papiers remués, il poussa doucement la grille qui sépare la chapelle du chœur, et dirigeant la lumière de sa lanterne vers l'endroit d'où venait le bruit, il aperçut, grand ouvert sur le couvercle en marbre de la cuve, noir et constellé des larmes des cierges, le grand registre des baptêmes qu'il savait devoir être fermé puisqu'il avait été pousseté la veille et bouclé de son large fermoir. Chose étrange et qui lui donna la chair de poule, devant ses yeux, une feuille, deux feuilles tournèrent, comme si une main invisible les eût feuilletées, et, en tête d'une des pages, il put lire l'acte de naissance de sa femme. Jean-Joseph Mout ne dit rien de ceci à personne, mais, tristement, il pensa « Ma pauvre femme est morte ». Et, en effet, dans les 15 jours, sa femme mourut. À partir de ce moment, Jean-Joseph Mout n'osa plus monter seul au clocher. Sous prétexte que les forces lui manquaient pour mettre en branle la grosse cloche, il se faisait accompagner de 2 ou 3 amis, et c'était là-haut, tout en l'air, dans la gaieté du jour levant, de petites fêtes où, entre 2 sonneries, histoire de reprendre haleine et de se distraire, on buvait du vin blanc en mangeant des châtaignes. Une fois pourtant qu'on avait bu un peu plus de vin blanc qu'à l'ordinaire, Jean-Joseph Mout ne put se retenir et raconta à ses amis ce qui se passait tous les ans à la chapelle des fonts baptismaux. Les amis étaient incrédules, Jean-Joseph proposa de descendre. Ils descendirent et, en effet, arrivés devant la chapelle, distinctement, c'est l'un des 2 témoins qui m'a rapporté la chose, ils entendirent le bruit de papier remué. Jean-Joseph Mout disait « Silence, la mort fait ses comptes !» Puis, lorsque tout bruit eut cessé, il poussa la grille et entra le premier avec sa lanterne. Tout à coup, Jean-Joseph Mout poussa un grand soupir. Sa lanterne tomba et s'éteignit. « Mout, que t'arrive-t-il ? Réponds-nous » Mais Mout ne répondait pas. Alors, ayant trouvé des allumettes et rallumé la lanterne, ils virent le registre ouvert sur la cuve, Mout évanoui et son nom inscrit en haut de la page. Jean-Joseph Mout n'était pas mort, mais il n'en valait guère mieux. Car depuis, m'a-t-on dit, il ne fit que languir et traîner. Jean-Joseph Mout n'eut pas le plaisir de goûter aux figues nouvelles, et c'est un autre sonneur qui, l'année suivante, monta dans le clocher le matin des morts.